Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent dans ce parc ? Oui. Et du coup, ici, c'est un espace dédié uniquement pour les chiens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que dans les autres endroits, en fait, ils peuvent pas déambuler comme ils veulent ? Non, je crois que c'est même pas en laisse, c'est pas autorisé, en fait, les chiens. Donc, on est obligé de venir là. Puis ça leur permet de rencontrer aussi d'autres chiens et puis au maître de rencontrer les autres maîtres aussi, c'est sympa. Quand on a la flemme d'aller se balader, ici, ils se dépensent bien, ils font les foufous ensemble. C'est celui-là là ? Oui. C'est quoi comme chien ? Alors il vient de la SPA, donc c'est un mélange de deux races de chiens de chasse. Il pèse 6-7 kg, donc c'est un petit gabarit. Il est noir et blanc, tacheté, et il a une bonne petite tête. Et vous pensez que ça lui plaît ici ? Ah ouais, il adore, il reconnaît l'endroit d'ailleurs quand j'arrive, quoi. Et puis l'espace est assez grand, je trouve. Donc voilà, je me suis fait des amis ici. Enfin bon, là j'ai perdu des contacts parce que je suis pas revenue, mais souvent je retrouve des gens qui viennent souvent là, qui sont en appartement et puis voilà, qui veulent pas forcément se balader tout seul avec leur chien. On se reconnaît, on reconnaît les chiens. Donc comme quoi, ça peut aussi créer des contacts. Voilà, si le hasard fait bien les choses et que l'entente se fait entre les personnes et les chiens. Ah oui. Oui, il a des grands copains. En général, les chiens l'aiment bien parce qu'il est un peu foufou. Donc les chiens peuvent se faire des amis, quoi. Oui, complètement. C'est important, le contact entre les chiens, quoi, pour les rendre sociables. Puis qu'ils ne deviennent pas bêtes, quoi, parce qu'un chien qui ne voit pas d'autres chiens... voilà, je trouve que c'est important pour l'équilibre du chien. S'il n'en voit pas pendant un moment, il est plus énervé que d'habitude, quoi. Donc ça permet de canaliser son énergie. Ah bah c'est sûr que c'est un truc, hein, ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi, ah bah oui, c'est pour ça qu'il a du succès avec les gros chiens. Là. Et elle, et lui, il adore les gros chiens. Mais quand il est bien énervé, il monte les chiens. Ah oui, il est assez dominant. Quoi, donc, c'est pour bon, ça permet. Il se fait calmer rapidement par les moins pureux. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont bannis pour les chiens. À Rennes, oui. À Rennes, ouais. Non, mais là, il y a un côté, il y a un étang, enfin un point d'eau ici, qui n'est pas accessible aux chiens. Donc, je ne sais pas si l'été, c'est accessible, non. Et généralement, on... quand même. Ouais, donc moi, je n'ai pas encore essayé, parce que je ne l'ai pas eu à ce moment-là, mais je pense que l'été, ça serait bien qu'ils aient un endroit pour se rafraîchir aussi. Donc, ce serait pas mal. Pour l'instant, j'expérimente. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez votre chien, mais... 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc vous avez eu le temps de voir tout ce qu'il fallait. Oui, il a sa piscine dans le jardin. Non, moi, c'est un balcon. Piscine pour enfants. Oui. Et ça sert bien l'été. D'accord. Non, moi, c'est un balcon et je suis au deuxième. Donc... Mais du coup, vous venez ici régulièrement ? Non, ça fait 3-4 fois grand max que je viens, en fait. C'est quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, parce qu'elle est encore, en phase d'éducation, en fait. Donc, vous voyez là, elle n'est pas calme. Elle s'appelle comment ? Aoma. Donc, elle est majoritairement griffon, puisqu'elle est croisée. Elle a de longues, longues oreilles, une grosse truffe qui lui prend tout le bout. Elle a le pelage blanc, fauve, et la tête croisée griffon, beagle et espagnol. Donc, beaucoup de chiens de chasse. Ouh, il y a un deuxième chien qui arrive. Bah, tu vois, tout le monde arrive en bas. Bah, il fait beau alors. Encore un peu beau. O'Neill. Comment t'appelles-tu ? O'Neill. O'Neill. Ah, bah là, c'est bien, j'en ai fait derrière. C'était vraiment soit je le trouvais, soit je le trouvais pas, mon chien, en fait. C'était comme ça. C'est, ça passe ou ça casse. Ah. Oh là, ça fait beaucoup de chien, d'un coup. Bon, d'un coup. Ça va être fait. Elle a été abandonnée 2 fois, en fait. La première fois, je sais pas. La deuxième, je l'ai récupérée, je dirais une semaine après qu'il l'a abandonnée une deuxième fois. Parce qu'en fait, elle faisait peur à l'enfant. Donc la famille a préféré ramener la chienne. Donc j'essaye de trouver plusieurs solutions pour qu'elle s'habitue, qu'elle tire moins en moins. Mais on m'a dit que ça peut prendre 6 mois, 1 an. Donc on va voir. Donc ouais. Mais je sais qu'à l'SPA, ils font aussi des d'aide à l'éducation. Ou au comportement. Donc à voir. Ils sont tous venus en 5 minutes. Oui, voilà, ouais. Il faut attendre un peu, quoi. Il y a un gros chien qui est venu. On me rappellera Tata, c'est bizarre. Bon, merci beaucoup. Bah, de rien.